Pour aller au rocher de Cancale, nous montâmes en chaloupe. On hissa la voile, qui s'étendit dans toute sa hauteur, et nous couvrit de son ombre. Elle se mirait sur l'eau, nous allions doucement, sans bruit, lentement. Le rocher a deux pics inégaux, ou plutôt ce sont deux rochers séparés par une crevasse dans laquelle on passe à marée haute. Il est fait de blocs accumulés. Il y pousse des tamarins, du serpolet et des bruyères. Des lapins qui l'habitent débusquent effrayés lorsque vous jetez des cailloux dans les broussailles. Quand nous l'eûmes gravi jusqu'en haut, que nous nous fûmes assis à plusieurs places et promenés partout, nous regagnâmes la chaloupe qui nous déposa un quart d'heure après sur le galet au pied de la falaise. Elle s'interrompt par un angle et découvre brusquement le village de Cancale, aligné sur un quai de pierre sèche. Là, couché par terre à plat dos sur le sable, le chapeau sur les yeux, les bras étendus en croix, je suis resté une grande heure et demie à chauffer ma guenille au soleil et à faire le lézard. On se sent le corps inerte, engourdi, inanimé, inhérent presque à la terre sur laquelle il se vautre, tandis que l'âme, au contraire, partie bien loin, voltige dans les espaces comme une plume égarée. Lorsque j'ai relevé la tête, la grève avait disparu. La marée, presque subitement, était venue la recouvrir, et les barques, tout à l'heure immobiles, se relevaient maintenant et se remettaient à flot. Sous le roulis des lames longues qui, arrivant l'une par-dessus l'autre, comme des inondations successives, accouraient de toute leur vitesse sur cette plage unie où largement elle se développait sans en finir, les canots pleins de monde se croisaient, se vidaient, revenaient au quai. On allait partir pour la pêche, on crochait les gouvernails, on frappait les tolets, on hissait les voiles, on voyait les embarcations prendre leur bordée afin de gagner le pied du vent et s'éloignant les unes des autres, chacune choisir sa route et s'enfuir vers le large. Pendant qu'on attelait nos chevaux pour nous ramener à Saint-Malo, nous jugeâmes convenable de prendre des huîtres et de jeter un dernier coup d'œil aux images. L'hôtesse était une pauvre femme vêtue de noir qui avait perdu son mari la semaine dernière et sa fille il y avait 3 jours. Dans un fauteuil dépaillé au coin de la fenêtre, elle reste sans bouger ni se soucier des pratiques, à regarder par les carreaux la mer où n'apparaît plus la marque de son mari et ce qu'est vide où jouent maintenant les enfants des autres. Celle-là doit peu rire de fameuses gravures, mais c'est la servante, j'imagine, qui doit s'y plaire et s'en nourrir. Il est probable qu'elle convoite d'abord la bijouterie qui s'y trouve et qu'elle rêve là-dessus à des bonheurs de reine, à quelque existence sensuelle et cossue, toute chatoyante de la couleur des cachemires et sucrée comme du sirop, avec un bel amant bien habillé et des pâmoisons amoureuses dans de la toile de Hollande. Un matelot ivre est entré dans l'auberge en chantant et en demandant à boire. Comme on ne lui répondait pas, il a donné un grand coup de poing sur la table, ce qui a fait claquer les piles d'assiettes. La bonne femme en noir s'est détournée et lui a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il a répondu, en continuant sa chanson, qu'il avait besoin de boire. Elle l'a interrompu par un geste de main et lui a dit « Vous savez que mon cœur est trop dans le deuil. On ne chante pas ici. Allez-vous-en. » Et elle lui répétait, avec une expression suppliante de dégoût et de prière, « Ah, je vous en prie. Allez-vous-en. Allez-vous-en. » Il s'est interrompu, a promené sur les murs son regard idiot, puis est sorti en se cognant à la porte, où il s'est remis aussitôt à gueuler à pleine poitrine. Nous avons retrouvé à Saint-Malo, dans la cour de notre hôtel, Madame Maillard, assise, comme d'ordinaire, dans son hangar vitré, et de ses doigts gonflés de bagues et cossant des haricots verts sur un tablier de cuisine mis par-dessus son peignoir jaune. Quand nous la vîmes la première fois, un matin en arrivant, elle était debout et faisait tourner ses clés sur son index. Avec ses yeux noirs admirablement doux et beaux, et relevés vers les tempes sous un sourcil long, avec sa taille mince fortement garnie par derrière de tous les mensonges de l'industrie, avec ses boutons d'émeraude sur sa chemisette de batiste, des boucles d'oreilles battant son cou maigre, un collier sonnant sur ses clavicules et sa montre à breloques, son lorgnon d'or, ses broches et ses camées, avec sa robe jaune ouverte, si lâche au corps, si parlante, et la pommade qu'il y avait sur ses bandeaux, et le sourire qui rendait presque jolie sa bouche aux dents gâtées, nous en conçûmes, il faut l'avouer, un préjugé défavorable pour ses mœurs, mais bien favorable pour son hôtel. Des arbustes verts dans la cour, des bouquets de fleurs que l'on arrangeait dans des vases de porcelaine, la capucine épanouie qui grimpait autour des fenêtres, et le galon d'argent des rideaux de nos lits jusqu'aux poissons rouges nageant dans leur bocal. Tout cela avait je ne sais quel bon air féminin, espagnol, andalou, odaliscal et rafraîchissant qui faisait plaisir à retrouver après toutes les landes de l'Armorique. Sotte présomption, erreur des jugements. Madame Maillard est la meilleure mère de famille du monde et la plus tendre épouse du département, y compris les îles de la côte. Elle a 14 enfants qu'elle élève dans le travail et dans les bons principes. Sa fille aînée fait les desserts et son second fils est parti à Jersey apprendre l'anglais afin de pouvoir un jour servir d'interprète dans la maison. Elle a adjoint à son établissement une boutique de curiosités où elle se livre vis-à-vis de l'étranger à une réclame des plus tenaces pour qu'il lui prenne ses assiettes du Japon, son point d'Angleterre, ses colibris empaillés ou ses gros faenza qu'elle veut faire passer naïvement pour des palissis. Elle vous montre aussi dans un bas d'armoire une demi-douzaine de bouquins dépareillés parmi lesquels il y a le second tome de Don Maurice. Qu'elle garde pour quelqu'un de ses fils s'il s'en trouve un plus tard qui veuille étudier l'histoire, car c'est une belle science et c'est joli pour un homme de la savoir. De temps à autre, elle vous quitte au bruit d'une sonnette qui communique de l'hôtel dans son magasin, mais elle y revient bientôt. Elle y passe sa vie. Vend, achète, revend, arrange, essuie, tripote. Son mari n'y connaît rien, c'est un butor sous le rapport des arts. Ce magasin, seul, fut cause de la fausseté de notre diagnostic. Elle emporte en effet les plus belles pièces sur elle, afin de les avoir toutes prêtes à offrir aux amateurs. Aujourd'hui un bracelet, ce soir une collerette, demain une aumônière. Ce que l'on prendrait ainsi pour vice n'est que spéculation fort honnête, elle orne son corps, non pour le mieux vendre, mais pour en faire une étagère. Il fallut se quitter pourtant. Or, un matin, après des adieux fort aimables, nous partîmes de Saint-Malo pour aller coucher le soir à Pont-Orson. La cathédrale de Dole, qui se trouve sur la route, est une église de bon style, à qui son gynécée trilobé donne une grâce charmante, sans ornement, mais riche d'elle-même par ses hautes proportions. Elle rappelle bien, dans sa sévère ogive, l'orgueil métropolitain de ses évêques, dont les descendants laissent encore debout dans le cœur leur crosse recourbée, dorée du haut en bas. Arrivé de bonne heure à Pont-Orson, et y bâillant dès aussitôt, nous allâmes, pour employer le temps à quelque chose, traîner notre ennui le long d'une promenade de peupliers, au bord d'une petite rivière qui coule parmi les touffes d'arbustes et les roseaux grêles des marécages. La vue s'arrête à un coude de la rive, où flotte incertaine et sans rien qui l'amuse sur une plate prairie régulièrement coupée par de longues lignes d'arbres. Comme on avait la veille pêché un saumon, trois ou quatre particuliers du lieu, posés sur les bords des eaux bourbeuses, y plongeaient et en retiraient un grand filet carré, s'attendant à toute minute à en sentir se déchirer les mailles sous la capture rêvée. Quand nous eûmes assisté suffisamment longtemps à toutes leurs alternatives d'espérance et d'insuccès, nous reprîmes le chemin de l'auberge pour nous en aller dîner. La route de Pont-Orson au Mont-Saint-Michel est tirante à cause des sables. Notre chaise de poste, car nous allons aussi en chaise de poste, était dérangée à tout moment par quantité de charrettes remplies d'une terre grise que l'on prend dans ces parages et que l'on exporte je ne sais où pour servir d'engrais. Elles augmentent à mesure qu'on approche de la mer, se défilent ainsi pendant plusieurs lieues jusqu'à ce que l'on découvre enfin les grèves abandonnées d'où elles viennent. Sur cette étendue blanche, où les tas de terre élevés en cônes ressemblaient à des cabanes, tous ces chariots dont la longue file ondulante fuyait dans la perspective, nous rappelaient quelque émigration des barbares qui se met en branle et quitte ces plaines. L'horizon vide se prolonge, s'étale et finit par fondre ces terrains crayeux dans la couleur jaune de la plage. Le sol devient plus ferme. Une odeur salée vous arrive, on dirait un désert dont la mer s'est retirée. Des langues de sable longues, aplaties l'une sur l'autre, se continuant indéfiniment par des plans indistincts, se rident comme une onde sous de grandes lignes courbes, arabesques géantes que le vent s'amuse à dessiner sur leur surface. Les flots sont loin, si reculés qu'on ne les voit plus, qu'on n'entend pas leur bruit, mais je ne sais quel vague murmure, insaisissable, aérien, comme la voix même de la solitude qui n'est peut-être que l'étourdissement de ce silence. En face, devant nous, un grand rocher de forme ronde, la base garnie de murailles crénelées, le sommet couronné d'une église se dresse, enfonçant ses tours dans le sable et levant ses clochetons dans l'air. D'énormes contreforts qui retiennent les flancs de l'édifice s'appuient sur une pente abrupte d'où déroulent des quartiers de rocs et des bouquets de verdure sauvage. À mi-côte, étagées comme elles peuvent, quelques maisons dépassant la ceinture blanche de la muraille et dominées par la masse brune de l'église clapotent leurs couleurs vives entre ces deux grandes teintes unies. La chaise de poste allait devant nous, nous la suivions de loin d'après le sillon de ses roues qui creusaient des ornières. Elle s'enfonçait dans l'éloignement et sa capote que l'on apercevait seule s'enfuyant avait l'air d'un gros crabe qui se traînait sur la grève. Çà et là, des courants d'eau passaient. Il fallait remonter plus loin, ou bien c'était des places de vases qui se présentaient à l'improviste, encadrant dans le sable leurs méandres inégaux. À nos côtés cheminaient deux curés qui venaient aussi voir le Mont-Saint-Michel. Comme ils avaient peur de salir leurs robes neuves, ils les relevaient autour d'eux pour enjamber les ruisseaux et sautaient en s'appuyant sur leurs bâtons. Leurs boucles d'argent étaient grises de la boue que le soleil y séchait à mesure, et leurs souliers trempés bâillaient en flaquant à tous leurs pas. Le mont cependant grandissait. D'un même coup d'œil, nous en saisissions l'ensemble, et nous voyions à les pouvoir compter les tuiles des toits, l'état d'ortie dans les rochers, et tout en haut les lames vertes de la persienne d'une petite fenêtre qui donne sur le jardin du gouverneur. La première porte, étroite et faite en ogive, s'ouvre sur une sorte de chaussée de galets descendant à la mer. Sur l'écu rongé de la seconde, des lignes onduleuses taillées dans la pierre semblent figurer des flots. Par terre, des deux côtés, sont étendus des canons énormes faits de barres de fer reliées avec des cercles pareils. L'un d'eux a gardé dans sa gueule son boulet de granit, pris sur les Anglais en 1423 par Louis d'Estouteville. Depuis 4 siècles, ils sont là. 5 ou 6 maisons se regardant en face composent toute la rue. Leur alignement s'arrête et elle continue par les raidillons et les escaliers qui mènent au château, se succédant au hasard, juchées, jetées l'une par-dessus l'autre. Pour y aller, on monte d'abord sur la courtine, dont la muraille cache au logis d'en bas la vue de la mer. La terre paraît sous les dalles fendues, l'herbe verdoie entre les créneaux, et dans les effondrements du sol s'étalent des flaques d'urine qui rongent les pierres grises. Le rempart contourne l'île et s'élève par des paliers successifs. Quand on a dépassé les chauguettes qui fait angle entre les deux tours, un petit escalier droit se présente. De marche, en grimpant, s'abaissent graduellement les toits des maisons dont les cheminées délabrées fument à 100 pieds sous vous. Vous voyez à la lucarne des greniers le linge suspendu séché au bout d'une perche avec des haillons rouges recousus, où se cuire au soleil, entre le toit d'une maison et le rez-de-chaussée d'une autre, quelques petits jardins grands comme une table, où les poireaux, languissants de soif, couchent leurs feuilles sur la terre grise. Mais l'autre face du rocher, celle qui regarde la pleine mer, est nue, déserte, si escarpée que les arbustes qui y ont poussé ont du mal à s'y tenir, et tout penchés sur l'abîme, semblent prêts à y tomber. Bien haut, planant à l'aise, quand vous êtes ainsi à jouir d'autant d'étendue que s'en peuvent repaître des yeux humains, que vous regardez la mer, l'horizon des côtes développant son immense courbe bleuâtre, ou dressée sur sa pente perpendiculaire, la muraille de la merveille, avec ses 36 contreforts géants, et qu'un rire d'admiration vous crispe la bouche, tout à coup vous entendez dans l'air claquer le bruit sec des métiers. On fait de la toile. La navette va, bas, heurte ses coups brusques, tous s'y mettent, c'est un vacarme. Entre deux fines tourelles, représentant 2 pièces de canon sur leur culasse, la porte d'entrée du château s'ouvre par une voûte longue où un escalier de granit s'engouffre. Le milieu en reste toujours dans l'ombre, éclairé qu'il est à peine par 2 demi-jours, l'un qui arrive d'en bas, l'autre qui tombe d'en haut par l'intervalle de la herse. C'est comme un souterrain qui descendrait vers vous. Le corps de garde est en entrant au haut du grand escalier. Le bruit des crosses de fusil retentissait sous les voûtes avec la voix des sergents qui faisaient l'appel. On battait du tambour. Cependant, un garde-chiourme nous a rapporté nos passeports que M. le gouverneur avait désiré voir. Il nous a fait signe de le suivre. Il a ouvert des portes, poussé des verrous, nous a conduits à travers un labyrinthe de couloirs, de voûtes, d'escaliers. On s'y perd, une seule visite ne suffisant pas pour comprendre le plan compliqué de toutes ces constructions réunies où forteresses, églises, abbaye, prison, cachot, tout se trouve depuis le roman du XIe siècle jusqu'au gothique flamboyant du XVIe. Nous ne pûmes voir que par un carreau et nous haussant sur la pointe des pieds la salle des chevaliers, qui, servant maintenant d'atelier de tissage, est par ce motif interdite aux gens. Nous y distinguâmes seulement 4 rangs de colonnes à chapiteaux ornés de trèfles et supportant une voûte sur laquelle filent des nervures saillantes. À 200 pieds au-dessus du niveau de la mer, le cloître est bâti sur cette salle des chevaliers. Il se compose d'une galerie quadrangulaire formée par une triple rangée de colonnettes en granit, en tuf, en marbre granitel ou en stuc fait avec des coquillages broyés. La canthe, le chardon, le lierre et le chêne s'enroulent à leurs chapiteaux. Entre chaque ogive bonnet d'évêque, une rosace en trèfle se découpe dans la lumière. On en a fait le préau des prisonniers. La casquette du garde-chiourme passe le long de ces murs où l'on voyait rêver jadis le crâne tonsuré des vieux bénédictins travailleurs et le sabot du détenu bruit sur ses dalles que frôlaient les robes des moines soulevées par les grosses sandales de cuir qui se ployaient sous leurs pieds nus. L'église a un chœur gothique et une nef romane. Les deux architectures étant là comme pour lutter de grandeur et d'élégance. Dans le chœur, l'ogive des fenêtres est haute, pointue, élancée comme une aspiration d'amour. Dans la nef, les arcades l'une sur l'autre ouvrent rondement leurs demi-cercles superposés, et sur la muraille montent des colonnes rondes qui grimpent droites comme des troncs de palmiers. Elles appuient leurs pieds sur des piliers carrés, couronnent leurs chapiteaux de feuilles d'acanthe, et continuent au-delà par de puissantes nervures qui se courbent sous la voûte, s'y croisent, et la soutiennent. Il était midi. Par la porte ouverte, le grand jour entrant faisait ruisseler ses effluves sur les pans sombres de l'édifice. La nef, séparée du chœur par un grand rideau de toile verte, est garnie de tables et de bancs, car on l'a utilisée en réfectoire. Quand on dit la messe, on tire le rideau, et les condamnés assistent à l'office divin sans déranger leurs coudes de la place où ils mangent. Cela est ingénieux. Pour agrandir de 12 mètres la plateforme qui se trouve au couchant de l'église, on a tout bonnement raccourci l'église. Mais comme il fallait une entrée quelconque, un architecte a imaginé de fermer la nef par une façade de style grec. Puis, éprouvant peut-être des remords, ou voulant, ce qui est plus croyable, raffiner son œuvre, il y a rajouté après coup des colonnes à chapiteaux assez bien imitées du XIe siècle, dit la notice. Taisons-nous. Courbons la tête. Chacun des arts a sa lèpre particulière, son ignominie mortelle qui lui ronge le visage. La peinture a le portrait de famille, la musique a la romance, la littérature a le critique et l'architecture a l'architecte. Les prisonniers marchaient sur la plateforme, tous en rang l'un derrière l'autre, les bras croisés, ne parlant pas, dans ce bel ordre enfin que nous avions contemplé à Fontevraud. C'étaient les malades de l'infirmerie auxquels on faisait prendre l'air et qu'on distrait ainsi pour les guérir. L'un d'eux, relevant les pieds plus haut que les autres et se tenant les mains à la veste du compagnon qui était devant lui, suivait la file en trébuchant. Il était aveugle. Pauvre misérable. Dieu l'empêche de voir et les hommes lui défendent de parler. Il avait l'air doux cependant et sa figure, aux yeux fermés, souriait sous les chauds rayons du soleil. Après avoir donné la pièce à notre garde-chiourme, qui nous fit en signe de remerciement une grimace de chat-tigre, nous redescendîmes les escaliers, et 5 minutes après nous étions de retour dans l'intérieur du village, où des femmes, assises devant les portes, faisaient des filets sur leurs genoux. Quand on va à Tomblaine, qui est un rocher à une demi-lieue du Mont-Saint-Michel, et comme lui placé tout au milieu de la mer, on prend un guide pour éviter les courants. Même aux endroits non dangereux, si l'on s'arrête, on se sent enfoncé dans le sable qui se met à bouillonner et à monter vers vous. En 10 minutes, on en aurait jusqu'au ventre, en une demi-heure, jusqu'aux épaules. Lorsqu'on traverse les courants, l'eau rapide coule entre vos jambes avec la force d'un torrent. Le vertige viendrait si on restait à la regarder. De tous côtés, partout, ce n'est que du sable, des étendues monotones qui se succèdent et s'enfuient. Mais lorsqu'on détourne la tête, le mont paraît si près qu'il a l'air de vous poursuivre. Vous le voyez tout entier avec ses maisons en bas, ses arbustes accrochés sur ses pentes et son église tout en haut. Tomblaine est un petit îlot de granit aplati sur les flots, à ras du sol. Dans l'herbe, on distingue encore des restes de fondations et sur toute la longueur du rocher, deux traces parallèles comme des ornières de voiture. C'est là que Montgomery avait fait transporter le pillage des églises catholiques. Il y battait monnaie, les beaux écus d'or tout neufs ont sauté sur ces pierres où les cormorans fatigués viennent poser leurs pieds roses dans les orages. Jusqu'à la Révolution, dans une petite chapelle dont il ne reste rien, une lampe perpétuelle brûlait. Tomblaine. D'où vient ce nom? Est-ce celui de la jeune fille qui, n'ayant pu suivre son amant, partit à la conquête avec le roi Guillaume, resta longtemps à l'attendre sur ce rocher, y mourut enfin de douleur et y fut enterrée? Ou celui de la mère du roi Hoël, qui, ravie à ses parents par un seigneur espagnol, y aurait été transportée, violée et assassinée? Vague histoire de femme et d'amour qui flotte sur cet écueil. Le soir, pendant que nous dînions, une procession d'enfants conduits par le curé a passé en chantant sous nos fenêtres. Ils tenaient tous des cierges à la main, et marchant deux à deux, ils ont monté l'escalier qui conduit de la rue sur les remparts. On voyait s'élever les robes blanches des petites filles avec les lumières des flambeaux et on entendait les voix s'éloigner. À la nuit tombante, nous avons été sur les tours voir se coucher le soleil. Nous y avons causé avec un vieux marin qui, appuyé sur le parapet, fumait comme nous la pipe en faisant la digestion. Il avait fait de longs voyages, été en Cochinchine et dans les Indes, visité le Japon et la mer Blanche. Il nous parlait de ces pays qu'il avait vus pendant que la marée montante battait le pied des tours, que les étoiles s'allumaient et que de temps à autre la voix éloignée des sentinelles qui criaient « Garde à vous !» allait se répétant dans l'ombre. Le lendemain, quand la grève se fut découverte encore, nous partîmes du mont par un ardent soleil qui chauffait les cuirs de la voiture. Nous avancions au pas, les colliers craquaient, les roues enfonçaient dans le sable. Au bout de la grève, quand le gazon apparut, j'ai appliqué mon œil à la petite lucarne qui est au fond des voitures et j'ai dit adieu au mont Saint-Michel. Pour aller à Combourg, il fallait revenir à Dole. Ce fut le gros maître de poste de Pont-Orson qui nous y mena lui-même. Assis sur le tablier de son tape-cul, nous avions quitté notre équipage. Les deux pieds posés sur le brancard, en chemise et la pipe aux lèvres, il poussait au grand trot ses deux pommelés et faisait claquer son perpignan. Du plus loin qu'il apercevait des voitures, il leur criait de se garer, injuriant celles qui ne se rangeaient pas, injuriant celles qui se rangeaient, les premières pour tout de bon, les secondes pour rire. Vociférant, sacrant, furieux et facétieux, despote de la grande route comme si elle eût été sa propriété particulière. De Dole à Combourg, nous eûmes au contraire pour conduire notre tilbury un pauvre bonhomme qui tenait à peine ses guides et roupillait accablé par la chaleur. Quant à nous, nous causâmes si peu que nous ne pensâmes à rien regarder. Une lettre du vicomte de Vézin devait nous ouvrir l'entrée du château. Aussi à peine arrivés, nous allâmes chez M. Corvezier qui en est le régisseur. On nous fit attendre dans une grande cuisine où une demoiselle en noir, fort marquée de petites véroles et portant des lunettes d'écaille sur de gros yeux myopes, égrenait des groseilles dans une terrine. La marmite aux confitures était sur le feu et on écrasait du sucre avec des bouteilles. Évidemment, nous dérangions. Au bout de quelques minutes, on descendit nous dire que M. Corvezier, malade et grelottant de la fièvre dans son lit, était bien désolé de ne pouvoir nous rendre visite, mais qu'il nous présentait ses respects. Cependant, son commis, qui venait de rentrer de course et faisait la collation dans la cuisine en buvant un verre de cidre et en mangeant une tartine de beurre, s'offrit à sa place à nous montrer le château. Il déposa sa serviette, se suça les dents, alluma sa pipe, prit un paquet de clés accroché à un clou et se mit à marcher devant nous dans le village. Après avoir longé un grand mur, on entre par une vieille porte ronde dans une cour de ferme silencieuse. Le silex sort ses pointes de la terre battue, où se montre une herbe rare salie par les fumiers qu'on traîne. Il n'y avait personne. Les écuries étaient vides. Dans les hangars, les poules, huchées sur le timon des charrettes, dormaient la tête sous l'aile. Au pied des bâtiments, la poussière de la paille tombée des granges assourdissait le bruit des pas. Quatre grosses tours, rejointes par des courtines, laissent voir sous leurs toits pointus les trous de leurs créneaux qui ressemblent aux sabords d'un navire. Et les meurtrières dans les tours, ainsi que sur le corps du château, de petites fenêtres irrégulièrement percées font des baignoires inégales sur la couleur grise des pierres. Un large perron d'une trentaine de marches monte tout droit au premier étage, devenu le rez-de-chaussée des appartements de l'intérieur depuis qu'on a comblé les douves. Le voilier jaune n'y croissait pas, mais les lentisques et les orties, avec la mousse verdâtre et les lichens. À gauche, à côté de la tourelle, un bouquet de marronniers a gagné jusqu'à son toit et l'abrite de son feuillage. Quand la clé eut tourné dans la serrure et que la porte, poussée à coups de pied, eut longtemps grincé sur le pavé collant, nous entrâmes dans un couloir sombre qu'encombraient des planches et des échelles avec des cercles de futailles et des brouettes. Ce passage vous mène à une petite cour comprise entre les pans intérieurs du château et resserrée par l'épaisseur des murs. Le jour n'arrive que d'en haut comme dans un préau de prison. Dans les angles, des gouttes humides coulaient le long des pierres. Une autre porte fut ouverte. C'était une vaste salle dégarnie, sonore. Le dallage est brisé en mille endroits, on a repeint le vieux lambris. Par les grandes fenêtres, la teinte verte des bois d'en face jetait un reflet livide sur la muraille blanchie. Tout à leurs pieds, le lac est répandu, étalé sur l'herbe parmi les joncs. Sous les fenêtres, les troènes, les acacias et les lilas, poussés pêle-mêle dans l'ancien parterre, couvrent de leurs taillis sauvages le talus qui descend jusqu'à la grande route. Elle passe sur la berge du lac et continue ensuite par la forêt. Rien ne résonnait dans la salle déserte où, jadis, à cette heure, s'asseyait sur le bord de ses fenêtres l'enfant qui fut René. Le commis fumait sa pipe et crachait par terre. Son chien qui l'avait amené se promenait en furetant les souris et les ongles de ses pattes sonnaient sur le pavé. Nous avons monté les escaliers tournants. Le pied trébuche, on tâtonne des mains. Sur les marches usées, la mousse est venue. Souvent, un rayon lumineux passant par la fente des murs et frappant dessus d'aplomb en fait briller quelques petits brins verts qui, de loin, dans l'ombre, scintillent comme une étoile. Nous avons erré partout dans les longs couloirs, sur les tours, sur la courtine étroite, dont les trous des mâchicoulis béants tirent l'œil en bas vers l'abîme. Donnant sur la cour intérieure au second étage est une petite pièce basse dont la porte de chêne, ornée de rainures moulées, s'ouvre par un loquet de fer. Les poutrelles du plafond, que l'on touche avec la main, sont vermoulues de vieillesse. Les lattes paraissent sous le plâtre de la muraille qui a de grandes taches sales, les carreaux de la fenêtre sont obscurcis par la toile des araignées et leurs châssis encroûtés sous la poussière. C'était là sa chambre. Elle a vu vers l'ouest, du côté des soleils couchants. Nous continuâmes, nous allions toujours. Quand nous passions près d'une brèche, d'une meurtrière ou d'une fenêtre, nous nous réchauffions à l'air chaud qui venait du dehors, et cette transition subite rendait tous ces délabrements encore plus tristes et plus froids. Dans les chambres, les parquets pourris s'effondrent, le jour descend par les cheminées le long de la plaque noircie où les pluies ont fait de longues traînées vertes. Le plafond du salon laisse tomber ses fleurons d'or et l'écusson qui en surmonte le chambranle est cassé en morceaux. Comme nous étions là, une volée d'oiseaux est entrée tout à coup, a tourbillonné avec des cris et s'est enfui par le trou de la cheminée. Le soir, nous avons été sur le bord du lac, de l'autre côté dans la prairie. La terre le gagne, il s'y perd de plus en plus, il disparaîtra bientôt, et les blés pousseront où tremblent maintenant les nénuphars. La nuit tombait, le château, flanqué de ses quatre tourelles encadrées dans sa verdure et dominant le village qui l'écrase, étendait sa grande masse sombre. Le soleil couchant, qui passait devant sans l'atteindre, le faisait paraître noir, et les rayons, effleurant la surface du lac, allaient se perdre dans la brume sur la cime violette des bois immobiles. Assis sur l'herbe, au pied d'un chêne, nous lisions René. Nous étions devant ce lac où il contemplait l'hirondelle agile sur le roseau mobile, à l'ombre de ces bois où il poursuivait l'arc-en-ciel sur les collines pluvieuses. Nous écoutions ce frémissement de feuilles, ce bruit de l'eau sous la brise qui avait mêlé leur murmure à la mélodie éplorée des ennuis de sa jeunesse. À mesure que l'ombre tombait sur les pages du livre, l'amertume des phrases gagnait nos cœurs, et nous nous fondions avec délice dans ce je ne sais quoi de large, de mélancolique et de doux. Près de nous, une charrette a passé en claquant dans les ornières son essieu sonore. On sentait l'odeur des foins coupés, on entendait le bruit des grenouilles qui coassaient dans le marécage. Nous rentrâmes. Le ciel était lourd. Toute la nuit, il y eut de l'orage. À la lueur des éclairs, la façade de plâtre d'une maison voisine s'illuminait et flambait comme embrasée. Haletant, lassé de me retourner sur mes matelas, je me suis levé, j'ai allumé ma chandelle. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé la nuit. Elle était noire, silencieuse, comme le sommeil. Mon flambeau qui brûlait dessinait monstrueusement sur le mur d'en face ma silhouette agrandie. De temps à autre, un éclair muet survenant tout à coup m'éblouissait les yeux. J'ai pensé à cet homme qui a commencé là et qui a rempli un demi-siècle du tapage de sa douleur. Je le voyais d'abord dans ses rues paisibles, vagabondant avec les enfants du village, quand il allait dénicher les hirondelles dans le clocher de l'église, ou la fauvette dans les bois. Je me le figurais dans sa petite chambre, triste, et le coude sur sa table, regardant la pluie courir sur les carreaux, et au-delà de la courtine, les nuées qui passaient pendant que ses rêves s'envolaient. Je me figurais les longs après-midi rêveurs qu'il y avait eus. Je songeais aux amères solitudes de l'adolescence, avec leurs vertiges, leurs nausées et leurs bouffées d'amour qui rendent les cœurs malades. N'est-ce pas ici que fut couvée notre douleur à nous autres, le Golgotha même, où le génie qui nous a nourris a sué son angoisse? Rien ne dira les gestations de l'idée, ni les tressaillements que font subir à ceux qui les portent les grandes œuvres futures. Mais on s'éprend à voir les lieux où nous savons qu'elles ont été conçues, vécues, comme s'ils avaient gardé quelque chose de l'idéal inconnu qui vibra jadis. Oh, sa chambre! Sa chambre! Sa pauvre petite chambre d'enfant! C'est là que tourbillonnait la plaie des fantômes confus qui tourmentaient ses heures en lui demandant un être, Atala secouant au vent des Florides les magnolias de sa chevelure. Véléda, au clair de lune, courant sur la bruyère, Cymodocé, voilant son sein nu sous la griffe des léopards, et la blanche Amélie et le pâle René. Un jour, cependant, il la quitte, il s'en arrache, il dit adieu, et pour n'y plus revenir au vieux foyer féodal. Le voilà perdu dans Paris et se mêlant aux hommes. Puis l'inquiétude le prend, il part. Penché à la proue de son navire, je le vois cherchant un monde nouveau, en pleurant la patrie qu'il abandonne. Il arrive, il écoute le bruit des cataractes et la chanson des Natchez. Il regarde couler l'eau des grands fleuves paresseux et contemple sur leurs bords briller l'écaille des serpents avec les yeux des femmes sauvages. Il abandonne son âme aux longueurs de la savane. De l'un à l'autre, ils s'épanchent leur mélancolie native. Il épuise le désert comme il avait tari l'amour. Il revient, il parle, et on se tient suspendu à l'enchantement de ce style magnifique, avec sa cambrure royale et sa phrase ondulante, empanachée, drapée, orageuse comme le vent des forêts vierges, colorée comme le cou des colibris, tendre comme les rayons de la lune à travers le trèfle des chapelles. Il part encore, il va. Remuant de ses pieds la poussière antique, il s'assoit aux Thermopyles et crie « Léonidas, Léonidas !» court autour du tombeau d'Achille, cherche la Cédémone, égrène dans ses mains les caroubiers de Carthage, et comme le pâtre engourdi qui lève la tête au bruit des caravanes, tous ces grands paysages se réveillent quand ils passent dans leur solitude. Tour à tour rappelé, proscrit, comblé d'honneur, il dînera ensuite à la table des rois, lui qui s'était évanoui de faim dans les rues. Il sera ambassadeur, ministre, essaiera de retenir dans ses mains la monarchie qui s'écroule et, au milieu des ruines de ses croyances, assistera enfin à sa propre gloire comme s'il était déjà compté parmi les morts. Né sur le déclin d'une société et à l'aurore d'une autre, il est venu pour en être la transition et comme pour en résumer en lui les espérances et les souvenirs. Il a été l'embaumeur du catholicisme et l'acclamateur de la liberté. Homme des vieilles traditions et des vieilles illusions, en politique il fut constitutionnel et en littérature révolutionnaire. Religieux d'instinct et d'éducation, c'est lui qui, avant tous les autres, avant Byron, a poussé le cri le plus sauvage de l'orgueil, exprimé son plus épouvantable désespoir. Artiste, il eut cela de commun avec ceux du XVIIIe siècle, qu'il fut comme eux toujours gêné dans les poétiques étroites, mais qui, débordés à tout instant par l'étendue de son génie, en ont malgré lui craqué dans toutes leurs circonférences. Comme homme, il a partagé la misère de ceux du XIXe siècle, il a eu leurs préoccupations turbulentes, leur gravité futile. Non content d'être grand, il a voulu paraître grandiose, et il s'est trouvé pourtant que cette manie vaniteuse n'a pas effacé sa vraie grandeur. Il n'est point certes de la race des contemplateurs qui ne sont pas descendus dans la vie, maîtres au front serein qui n'ont eu ni siècle, ni patrie, ni famille même. Mais lui, on ne peut le séparer des passions de son temps. Elle l'avait fait, et il en a fait plusieurs. L'avenir, peut-être, ne lui tiendra pas compte de ses entêtements héroïques, et ce seront sans doute les épisodes de ses livres qui en immortaliseront les titres avec le nom des causes qu'il défendait. Ainsi, tout seul, devisant en moi-même, je restais accoudé, savourant la nuit douce et me trempant avec plaisir dans l'air froid du matin qui rafraîchissait mes paupières. Petit à petit, le jour venait, la chandelle allongeait sa mèche noire dans sa flamme pâlissante, le pignon des halles apparut au loin, un coq a chanté, l'orage avait fui, quelques gouttes d'eau cependant tombées sur la poussière de la rue y faisaient de grosses taches rondes. Comme je m'assoupissais de fatigue, je me suis recouché et j'ai dormi. Nous nous en allâmes, fort tristes, de Combourg, et puis la fin de notre voyage approchait. Bientôt allait finir cette fantaisie vagabonde que nous menions depuis 3 mois avec tant de douceur. Le retour, aussi comme le départ, à ces tristesses anticipées qui vous envoient par avance la fade exhalaison de la vie qu'on traîne. La tête sur la poitrine, ne parlant pas, et regardant sans trop la voir la route vide qui s'allongeait, nous humions l'odeur des feuilles vertes, dandinées au mouvement du cheval qui trottait dans les brancards. Au monté, quand il soufflait, on entendait de dessous le feuillage quelques petits oiseaux qui gazouillaient. Nous nous arrêtâmes au village de Hédé pour voir les ruines du château, notre guide pour boire un verre de vin blanc, notre cheval pour prendre un picotin d'avoine. À chacun sa pitance. Il ne reste du château que son enceinte rasée, qui sort encore à quelques 7 pieds du sol et qui forme comme un grand cirque dont on fait le tour en marchant sur les murs. De là, le paysage se déroulant semble une gigantesque nappe de verdure rayée par les blanches lignes droites des routes, posée tout à plat dans les prairies, ou onduleuse ailleurs, sous le mouvement des collines qui la bombent. Le soleil brillait, les arbres verdoyaient, l'air était bleu. Près de là, un ruisseau qui descendait de la colline sautillait de cascades en cascades sur les cailloux. Un bruit de voiture a passé sur la route. Elle était cachée par les arbres, et nous entendions seulement le glissement rauque de son sabot qui écrasait la poussière. Au bas de la côte, elle s'est arrêtée, j'ai pris mon lorgnon, c'était une vraie berline de voyage, ayant siège par derrière, femme de chambre à un bout, chasseur à l'autre, avec 4 chevaux, 2 postillons, couvertes de bâches, de boîtes, de cartons, et de parapluies accrochés en dehors dans leur étui de cuir ciré. Les stores de soie jaune étaient baissés et je n'ai distingué personne. Qui avait-il là-dedans? Pourquoi voyageait-il cela, s'il passait si vite à côté des ruines sans y mettre un peu les pieds, à côté des beaux ombrages sans lever la tête vers eux, et tout près de cette eau courante sans s'asseoir une minute pour en écouter la chanson. Le chasseur, quand il eut remis le sabot, remonta derrière. Les deux postillons claquèrent leur fouet, la voiture partit, elle s'éloignait et se rapetissait à mesure qu'elle filait sur le long ruban de la route. Quelque temps le bruit des galops retentit encore, puis s'affaiblit, s'éteignit. Et nous repartîmes de notre côté. Il était 2 heures environ quand nous arrivâmes à Rennes. Le déjeuner de la table d'hôte était consommé et on nous fit attendre pour les côtelettes. En nous promenant le soir sur le bord de la Vilaine, du côté des ponts, nous avons vu une sorte de long fourgon où l'on entrait par un escalier à double rampe et qui avait le long de sa caisse de petites fenêtres carrées à rideaux de coton rouge. La lumière de l'intérieur passant à travers empourprait les têtes de la foule qui se tenait alentour. Sur le seuil de la voiture, une femme encore jeune, maigre, salement mise, et le front rétréci par des tresses noires relevées sur les oreilles, tenant une baguette à la main et glapissant dans son accent provençal, racontait l'horrible attentat qui avait eu lieu sur les côtes de Barbarie entre un marin intrépide et un phoque furieux. On était cependant parvenu à s'emparer du phoque, on l'avait dompté, éduqué, il était là, on pouvait le voir. Nous entrâmes et prîmes rang autour d'un grand baquet oblong dont le dedans, peint en gris, était relevé par des bandes grenats simulant une tenture. Au-dessus du baquet, un quinquet, muni d'un abat-jour en tôle, renvoyait sa lumière sur l'eau jaunâtre dans laquelle quelque chose de noir et de long gisait sans bouger. La femme s'en est approchée, l'a frappé d'un petit coup de baguette, il a sorti sa tête humide, ses narines ressemblant à 2 coupures symétriques se dilataient et se contractaient avec bruit et il vous regardait tristement de ses 2 gros yeux noirs. Il a voulu faire un mouvement, mais sa queue s'est heurtée contre les planches. Il s'est tourné sur le dos et nous a montré son ventre blanc, gras encore des viscosités de la mer. Il s'est levé tout droit, a appuyé ses nageoires sur le bord de la cuve, a donné un coup de son museau contre la joue de sa maîtresse, puis il est retombé au fond, en poussant un grand soufflement. Il n'a plus ces bons flots où il vivait à son aise, ni les larges grèves où il s'étendait au soleil sur les goémons verts. Comme il avait bien travaillé, on l'a gratifié de 2 ou 3 anguilles qu'il avalait lentement en les mangeant par le milieu, et les 2 bouts lui sortant de la bouche faisaient de chaque côté de son museau comme 2 longues moustaches blanches. Un orgue de Barbarie qui était dans un coin s'est mis aussitôt à tourner une polka. Le quinquet filait, sur l'escalier la femme appelait la foule. La représentation était terminée. Voilà ce que nous vîmes à Rennes. Quand le phoque n'y sera plus, qui aura-t-il à voir ? Gustave Flaubert.